Si tu n'es pas celui qui croit, si tu n'es pas de ce combat, ça ne fait rien. Si ça te convient, si tu n'es pas ailleurs, peu importe, la vie sera toujours plus forte.